Alex Bussière de Dolbeau, Mistassini, a participé en fin de semaine à une compétition qui se déroulait à Québec. Et Alex Bussière a réussi un temps de 3 minutes à 55 secondes, soit 15 secondes de moins que son plus proche rival. C'est un record personnel pour Alex Bussière en salle. Donc, Alex Bussière qui a recommencé à les différentes compétitions, des compétitions hivernales. Je vous parle maintenant du classement POC. Selon le site internet classementpoc.com, on retrouve les Hurricanes de Masuyash au 15e rang, les Rapides de Dolbeau-Mistassini au 16e rang et les Ambassadeurs de Chibougamau au 91e rang. Niveau midget, le Marcos Pop de Saint-Félicien est au 3e rang et les Ambassadeurs de Chibougamau sont au 76e rang. Et au niveau junior, les Éperviers de Normandin sont au 22e rang et les Sabres de Roberval au 40e rang. Et maintenant, on va parler de Stéphanie Lalancette qui joue cette année avec l'Université du Concordia. La joueuse de hockey est à sa première année universitaire et on lui a parlé hier et elle nous explique qu'est-ce qu'elle fait en sorte qu'elle a choisi de jouer pour Concordia. Honnêtement, moi, je peux pas chialer à la de mon temps d'utilisation. Je pense que les coachs me font confiance puis ils ont aussi beaucoup d'intérêt à me faire jouer parce qu'ils apprécient mon style de jeu. Donc, j'ai vraiment eu la chance d'avoir de belles opportunités sur la glace en jouant avec les meilleures filles de l'équipe aussi. OK. Comment c'est le calibre, la différence? Stéphanie Lalancette, maintenant, explique qu'elle est quand même bien utilisée pour une joueuse de hockey de sa première année. C'est sûr que je suis allée visiter quelques universités. Il y a aussi aux côtés des États-Unis qui m'avaient déjà approché dans mes premières années au Cégep, mais mon choix a été fait que je voulais rester au Québec, donc c'est juste que je choisissais après ça où est-ce que j'allais aller. C'est sûr que le côté anglophone m'intéressait aussi, donc je trouvais que Concordia m'offrait les deux de rester au Québec et d'aller dans l'université en. Vous avez donc écouté la section entrevue de danadosport.com. Hier, on a parlé avec Luc Dupont, spécialiste en marketing, qui nous parle des changements qui risquent d'arriver dans le monde du sport au cours des prochaines années, puisque ESPN a annoncé une perte de 11 millions d'abonnés au cours du dernier mois. Donc, ça va évidemment chambouler le monde du sport. Et je me suis également entretenu avec Stéphanie Lancette de Saint-Félicien. Sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.